pas de gros lot. J'ai su qu'il voulait se présenter au provincial. Hey yo, fuck that, ma place, j'apprends. Je t'apprends comment prendre le mic quasiment. J'appuie des fois, juste tout le temps. Jamais je me méprends, je me défends constamment. Je prends de l'avant avant que l'effet me défonce. Ma force est mon mic. Je crie des drames, j'amène jusqu'à te faire verser une larme. Je laisse les instrus comme une lame avec ma tête, mon âme. Check ma taille, c'est pas une hypothèse. Quand je te dis que tu m'aimes, je suis toujours à l'aise. Comme une bête de l'enfer, je suis né pour te faire chier. T'acharner, le beat te charme, mes mots démolissent. Chris dans le rap, je suis rentré sans cogner. Mon nom y'est pas fait, je sais ça, je me force, jamais je m'arrête. Sans oublier, pour percer, pour persévérer. Vous verrez, la main que je tiens bien serré. Je garde mes deux pieds sur terre, majeur droit d'un zard. Je reste fier, je regarde jamais en arrière. Je prends ma place, je tasse les rapaces. Fais casse, ça je les brosse. Quand l'instru gronde, c'est pas moi qui se cache. Lâche une bombe sur les heads, yo. Dans vie, y'a rien d'easy, tout le monde sait pas pour rester en vie. Ici les coups bas sont permis, c'est rough, ça j'te dis, personne joue. C'est du real, moi j'm'implique avec mes skills, mais c'est le monde dis. J'lâche une bombe sur vos têtes, ça va être je dis tout de suite. J'ai le choix, les suicides, c'était pas dans le main des gris. J'étais pas dans le gris, yo. Peace, yo.